filet à ma vie, j'enrobe de mes bras graciles, je retiens ta toile fragile, je m'incline. Tu portes en toi l'éveil, celui des subsistances, ton écho en sourdine prolonge la vague. De cet embrasé qui s'élance, je fais joie, je fais secret, je fais serment. De l'infini qui entoure le monde, il y aura cette peau incarnée, ce souffle de brume, cet océan déchaîné. Et de nos corps accomplis, nous ferons le tour de nous-mêmes. Ce bleu du creux, ce tendre envers, cet élan porté, nous de nos enlacements, à faire couleur de braise et toujours creuser les sillons, franche obstination. Nous de nous deux à nous mélanger, illusion ou simple proposition d'un arc du ciel, étrange ballet, ce sont nos danses d'autrefois. Viens, je t'emmène, les couleurs sont si belles. Envole-moi par-dessus les volcans, fais-moi fièvre en tes océans, délivre-moi de mes ardeurs, que ma quête soit ton mirage. Abandonne-moi dans le sud où les rêves sont peuplés de l'envie d'ailleurs, fais-moi frémir en altitude à l'ombre des grands cèdres, car c'est à toi que je me lie et me délie. Au-delà des existences, par-delà la mort, nous sommes miracles, fusion déclarée. Petite, cachée en ton sein, je respire ton odeur, encore. Je veux me dissimuler, ne plus rien voir du monde alentour. Laisse-moi te deviner entre deux apnées, et serre-moi bien fort alors que je tremble. Il fait si froid dehors. Code vert, plume, oiseau de vent, à la charnée du destin, sillage et volte-face. Une brume en soie s'aligne en douce aux embruns, cueillir pétales si rose dit, envoyer signaux de fumée pour appel à l'aide sur une colline. L'oiseau chante demain. Il y avait ce toucher, cette douceur de peau, cette innocence, membrane éperdue, reconnaissance à naître, ce désir suspendu lorsque la faille fait rencontre au grand trouble du frôlement. Les corps suspendus en présence, dans cette attente que seule une âme peut étancher. La soif de l'autre est un baiser. Il y a ce rond que l'on fait au creux de l'eau, comme par magie, cercle concentrique. Il y a l'iris de l'œil ouvert, vaste échappée sur le monde qui regarde. Il y a le globe, tout un symbole, il serait doux de l'entourer, le protéger, le contenir. Il y a la lune si ronde que mon cœur s'en émeut. Ainsi vont les courbes si douces que le ciel offre, silences étoilés. Le gris s'emballe, au jaune sourit, le vert est tendre, pas loin de l'agonie. Il faut ce rayon, embrasé de l'une à l'autre, l'éclat assourdissant pour deviner l'étreinte. De ces couleurs enfumées, la paix viendra en éclairage. C'est un amour si fort, il ne peut mourir. Aux antipodes de la scène d'hier se croise celle d'aujourd'hui qui lie l'instant au frimas d'hier. Je veux croire en quelque chose de grand qui nous échappe puis nous rattrape. Je veux serrer contre moi l'illusion du bonheur, le câliner. Il a si peur de ne pas bien se tenir. Il faut le rassurer, c'est une excellente compagnie. C'est un cœur ouvert sur le désir, harmonie à découvert, promesse sans faille, incendie de l'intérieur qui s'écarte au passage, vérité cachée, découverte secrète, une question en suspens à laquelle les lèvres peuvent répondre qu'il suffit d'aimer pour en jouir et de le dire dans un baiser. Maintenant que la tempête a balayé les outrances, maintenant que souffle le doux vent d'amour, maintenant que nous savons donner, maintenant que nous aspirons à plus d'humanité, sachons-nous réunir nous accorder à ce que la vie peut nous apprendre. Donnons-nous encore ce fameux temps d'aimer. Je dis lumière, qu'elle soit notre chemin. Je dis foudre, qu'elle nous guide. Je dis silence, aller vers cet andre. Je dis fusion, assembler les contraires. Je dis encore, l'éternité advient. Je dis, dis-moi aussi. Sur les marches du temps, j'ai serré les autres. De leurs cœurs éperdus, j'ai fait un bouquet pour que l'amour survive et que les jours ressemblent aux nuits. J'ai besoin d'un ciel de faïence, d'une envolée de goélands, d'une spirale de tournoiement, d'un océan de charme, de collines désertées, de transhumances vertigineuses, de poussières de terre, de fonds d'air pur, de lumières enchantées. Un air à l'envers, un chemin de brousse, faire et défaire les coutumes. Une brise en caresse, vent à décoiffer, paré de brume, de soleil croisé. Un morceau de joie se détache au coin des yeux, le sourire se dessine. Dans les bras de l'autre, l'étendue vient s'allonger si près du ciel. Joindre les mains à l'inattendu, émergence d'essence, regain de plaisir, vivre ou survivre, le choix du même. Vaincre l'abandon, quitter l'oubli, un peu de soi qui s'éveille aux autres, signe du ciel. Temps mémorable, suffire permet de donner sans attendre. Quand les arcs illuminent, la vie se détache des encombrements et des couleurs nous rappellent que l'autre est essentiel. Donner, non ce qui manque, mais ce qui accomplit. Marcher sur l'eau entre deux dérives, faire tourbillon au crépuscule, tendre la main, faire horizon, la peau du tendre s'en attacher. Éclairer les cimes de brumes enchantées, suspendre vie. Le vide autour, enfiler les gouttes de pluie fine, s'en délecter des entrelacs. Sillonner la terre de nos pas lents, s'en imprégner, chanter la joie, chemin du cœur. C'est une pluie fine qui ruisselle de tendresse sous l'ombre du nuage. C'est un ciel de rêve à faire la vie belle qui octroie sa joie. C'est un ballon lune de chance qui va droit au but en toutes circonstances. C'est une rivière de diamants qui lave les amertumes, se faire à deux consolation. C'est une aube claire, nouveau jour fait de silence, de mots d'amour. Se tenir en bord de lèvres, de mots à dire le beau, s'étendre à l'infini, saillie de pierre, face à la mer qui joue sa vie, taire la monotonie, renouveler le souffle, aspirer la terre entière, dans ce grand élan, ouvrir l'amour, ne garder que les embellis, oser sauter sans peur du vide, quand l'espérer devient réel. En épouser tous les contours, et puis fondre en lui. Parce que l'oiseau bleu étend ses ailes plus loin que les mirages, rêve étonnant d'aller plus haut que les étoiles du firmament. Parce que l'immense est un ciel ouvert, survivant d'un amour étincelant, notre lucide clameur nous détacher de la terre des pesanteurs. Parce que, tout petit, même poussière, l'ultime en nous, cet arrachement vers la lumière, seul endroit où vivre, scintillement, nous envoler, faire ensemble ce que nous savons exister. Sentir, sans souvenir de l'élan comme brise, si fraîche en attendant la calmie, hier au cédant, debout dans les voiles, demain au réveil, grande échappée, si le ciel raconte, c'est aux nuages de dire quelle couleur aura ce matin-là. Si nos rêves nous échappent, nous serons deux à les rattraper. Derrière les flots, il y a toujours vague, sensible, fragile. Sous les envolées demeure l'oiseau. Il chante, écoute, c'est pour toi. Derrière les rideaux, celui qui guette attend. Je sens mon pas s'accélérer tant je veux me réfugier. Qu'importe ce qui bourdonne là où la guêpe pique, je connais des onguents qui font soin de l'autre. À cœur blessé, seuls les baisers sont admis. À cœur de glace, l'indifférence suffit. Me fondre en tes pas est une destinée, un chemin vers le beau, où seule la paix a droit de cité. Viens, emmène-moi, partons, loin des balles qui sifflent. Il est un paradis, c'est celui que nous avons choisi. Ce qui se dessine est un contour, mais aussi de la profondeur. La brume n'empêche ni les précisions ni les passions. Nous sommes en pleine forêt, dans les tourbes de ces grands arbres, mémoire de notre passé, avec pour seule compagnie l'entrée en lumière. Nous avons parcouru le monde, tenté et essuyé bien des désarrois. Il est temps de trouver refuge dans les terres alentour, là où le ciel rejoint la mer. Nous irons chercher le plein de douceurs et d'éclosions, nous irons par les champs au travers de nos histoires, trouver le beau parce que nous le méritons. Comme un champ de lumière qui ferait briller les cœurs au firmament des désirs, il faudrait marcher longtemps pour en respirer les odeurs. Tu la connais, toi, l'odeur du désir. Comme un souffle après l'orage, les eaux ont lavé les pleurs, si fragile est le bonheur. Tu le connais, toi, ce tout qui fait l'ensemble. Comme une latitude ou un pas de côté, discerner les erreurs et les passions. Tu le connais, toi, l'amour qui te fait plus fort. Comme une envolée du dedans vers le dehors, à force de tendre la main, tu peux saisir demain. Tu le connais, toi, ce sentiment d'être si bien au bras de l'autre. Derrière le regard, il y a l'âme qui traverse, transperce, en feu de tout, auré des jours, nuits insensées. Savoir le regard, c'est savoir l'autre en plein cœur, toucher de peau, l'ensevelir d'avec ses mots, les goûter en buvant sa sueur, l'aimer pour de vrai. En tout regard, il y a le juste, l'écho de l'être en profondeur, effluve du dedans, l'animalité, le sauvage de toute douceur. Savoir regarder le regard, c'est aussi être le regard, se perdre en des yeux pour mieux s'y retrouver. De ce sang d'or, faire pitance et condamner les errances. De cette aurore embaumer les cœurs et disperser les cendres, de cet ultime assaut serrer la main très fort aussi loin que le regard, de ces perles tenues en leurs cieux diviniser l'oracle en deux parts égales, une pour te l'offrir, une pour recevoir. Je n'ai pas besoin de ciel s'il est en moi, où est la lumière, l'air s'emplit de joie. Toi qui connais la douceur, la beauté, fais-moi le cercle à l'unisson. Chantons ensemble la magie de l'éclosion. Soyons le pur, rompons le lien qui fait les pleurs. Il est une clairière à accueillir. En son centre est une rivière. Elle coule pour embellir. Son doux murmure n'est que plaisir. L'entends-tu, l'appel du grand silence émouvant qui fait fracas dans les cœurs? L'écoutes-tu, la plénitude en bandoulière de sérénité qui donne aux choses des noms de fleurs? Connaîtras-tu cet instant de rêve qui se prolonge avec la vie emmêlopée de l'espérance? Imagines-tu ce retour de marée lorsque la mer s'en vient laver toute souffrance? Le comprends-tu, ce rivage d'ailleurs, cet insensé bonheur, là où les mains se touchent et se disent « je t'aime » dans un dernier sursaut. Si vert en intérieur que le dedans opère, tel un rayon a transpercé le cœur. Si tendre aux alentours que la peau en frissonne, avec un peu de soie perdue au creux des bras. Si vive est la lumière que les feuilles en tremblent de se savoir aimer, les corps se serrent et se protègent. Avant demain il y a la mer, c'est un peu comme hier, sauf que maintenant il y a toi. Il y a le ciel pour s'étendre en creux de bras. Il y a la mer, compagne fidèle qui te ressemble. Il y a l'infini de ton regard à se porter au loin. Il y a douceur à se faire tendre au roulis des vagues. Il y a du bleu si discret qu'elle en redemande. Il y a cette vie, ce pas de deux à définir dans l'harmonie. Soir d'orage à la recherche des éblouis, tant d'eux se cachent sous les foudres. Un ciel pour croire, une aventure pour aller, des ailes à l'emporter, voyage au bout du cœur. Soyons l'espoir avec nos fièvres et nos chants, tissons la route de l'ensemble, c'est un ailleurs proche des rêves. Il est possible que le réveil en soit le même. Ça ressemble à du ciel, c'est une main qui frôle l'ensemble, coussin de rêve. C'est un espoir au creux des reins qui vit sa chance aux alentours de minuit, quand les oiseaux endormis ont rangé leur chant jusqu'à l'aube. C'est un tourbillon comme un vertige à l'approche de lèvres chaudes, quand le cœur lui dit oui. C'est une plénitude, un océan, un coin de nuages flottant pour se dire merci, à l'heure du café, quand la main dessine encore les rêves de la nuit. J'ai vu le ciel horizon plus grand que la main. J'ai regardé les tendresses de dentelles au miroir de tes yeux. J'ai bu les philtres et les potions magiques. J'ai murmuré dans les voiles de ta voix. J'ai respiré l'indicible d'un désir suspendu. J'ai approuvé ta part du vide, la sachant pleine de moi. J'ai orienté ma vie vers sa part la plus belle. J'ai déshabillé nos âmes et là, je t'ai reconnu. Je te soulève de mes souhaits, enfin. Rien que le calme en tes bras, sur la corniche, la mer nous regarde. Rien que ton souffle et la corne de brume au loin. Rien que ta chaleur douce à m'envahir. Rien que ta main sur mon front posée pour me dire « tu es vivante, nous sommes là ». Il y a courbe et nonchalance de la main à parcourir le paysage, l'arête d'une crête, le culminant d'une pointe, le chaud d'un entrelac, l'humide d'une grève, l'enrobé de la peau, la vivacité d'une bouche à saisir, à prendre, à goûter. L'évanescence du soupir se prolonge dans le creux des vallons. L'horizon se découvre aux odeurs, aux couleurs de l'insensé. Sous la peau, le rouge intense, la veine bleue en battement, l'ombre secrète d'un cœur épris, les longs attachements en surface emplis, le frisson de l'effleurement au creux de la nuit, il en est des corps comme des envies en symphonie. Flux et reflux, ce n'est pas l'eau, c'est un désir qui coule à l'ombre du grand chêne, quand tes mains savent ce que le corps ignore encore. Il y a cette ondée de plaisir qui saisit là, juste à la nuque, où le sang afflue, où la peau se tend, d'ouvrir ainsi le feu de l'aube. Chant de l'oiseau qui devient cri. C'est un plaisir mêlé de plaintes, Nulle souffrance en jouissance l'infini parle, comme nul autre ne sait le dire. Les mots s'ajoutent, se complètent, se superfluent, autant de mots qui disent, pour n'en garder qu'un seul, le mot de trop, de pas assez, le mot qui touche, effleure, saigne un peu. Il faut des mots pas encore nés pour épouser le peu et en dire ce qu'il suffit, un mot par-ci, de par-là. Ce mot n'en veut point trop, juste un mot de toi, ton mot. Il y aura des rires, des songes éperdus, des envols dans les bras, des cœurs ailés, des hirondelles de faïence, des plages de silence, des retours émus, des flots de larmes, des printemps incessants, des sourires amis, des paroles gravées dans la chair, dans l'âme, dans les corps. Nous nous souviendrons.